بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. نعم. On commence donc aujourd'hui la sixième partie dans l'explication du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le livre du Cheikh Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et on est maintenant dans un chapitre qui s'intitule Babun fil Muharramat fil Nikah, c'est-à-dire les interdictions dans le mariage. Qu'est-ce qui est interdit, ou c'est quoi les mariages interdits? Ok, c'est pas les choses interdites à faire dans le mariage, c'est les mariages qui sont interdits. Et le cheikh dit al-muharramatu fi nikah qisman. Donc il y a deux catégories par rapport aux choses interdites dans au mariage qui sont interdits. Il y en a deux catégories. La première et la deuxième. La première, c'est القسم الأول التي يحرمنا أو يحرمنا تحريما مؤبدا. C'est-à-dire les femmes que tu n'as pas le droit d'épouser, yani à jamais. Tu n'auras jamais le droit de les marier, ces femmes-là. Hein? Et la deuxième, القسم الثاني ما يكون تحريمه منهن مؤقتا. Le deuxième catégorie, c'est le mariage avec les femmes qui sont des interdictions temporaires. D'accord? Donc, le cheikh, il mentionne la première catégorie. Il dit, هُنَّ أَرْبَعَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ نَوْعًا يعني سَبْعٌ يَحْرُمْنَا بِالنَّسَبِ وَسَبْعٌ يَحْرُمْنَا بِالسَّبَبِ وهن المذكورات في قوله تعالى ولا تنكحوا الى اخره. Donc il dit qu'il y a 14 types ou 14 catégories que c'est interdit de les épouser. Il y en a 7 qui sont interdites par rapport au lien de parenté. Donc il y en a 7 qui sont interdites d'épouser à cause des liens de parenté, et il y en a 7 qui sont interdites par rapport à une cause extérieure au lien de parenté. Et ça, on va les expliquer par la suite, ces causes-là, c'est quoi. Et il dit, elles sont mentionnées, les 14, dans le verset 22 et 23 dans Sourate An-Nisa. Hein? Dans le verset 22 et 23 dans Sourate An-Nisa, il y a l'énumération des femmes ou des catégories de femmes que c'est interdit de les épouser. Non. Donc, on va les lire de toute façon tout à l'heure, mais si vous voulez, on peut les lire tout de suite, comme ça sera déjà fait. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Donc, ça veut dire quoi ces deux versets-là? Ça signifie « Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé, c'est une turpitude, une abomination, et quelle mauvaise conduite. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, tantes maternelles, filles d'un frère, filles d'une sœur, c'est-à-dire vos nièces, hein? Naam, mère, hein, mères qui vous ont allaité, les mères de lait ou les sœurs de lait, mère de vos femmes, hein, c'est-à-dire ta femme, sa mère, elle est interdite pour toi, belle-fille sous votre tutelle, c'est-à-dire si tu as épousé une femme puis que cette femme elle a une fille, tu peux pas l'épouser non plus, hein, ou issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies. On ne peut pas réunir deux sœurs en même temps si on marie deux femmes, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est le verset dans lequel il y a ces règles-là, et on va maintenant expliquer en détail les explications que les ulama ont données par rapport à ces versets. Donc le cheikh il explique, il dit premièrement les femmes qui sont interdites à cause des liens de parenté. À cause des liens de parenté, hein, allati yahrumna bin nasab, hein, wa bayanuhunna kama yali. Donc leur explication c'est qu'est-ce qui suit. Premièrement, la mère, la grand-mère en montant. La mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, et ainsi de suite. Ça, c'est première catégorie, comme c'est mentionné dans le verset, « Hurrimat alaykum ummahatukum ». Hein? Et en fait, ça, c'est les relations incestueuses qui sont interdites en islam. Hein? Ensuite, la deuxième, c'est les filles. Donc, c'est la fille du fils, la fille de la fille, et la fille de la fille du fils, et ainsi de suite, en descendant. D'accord? Donc, les filles en descendant. Les filles de ta fille, et la fille de ta fille, et la fille de ton fils, en descendant. Ensuite, troisièmement, al-ukht, la sœur. Elle est interdite. Donc, la sœur, c'est soit la sœur de même père et de même mère, ou bien la sœur de même père et de mère différente, ou de même mère et de père différent. Dans les deux cas, c'est interdit. Donc, ça c'est quand Allah dit wa akhawatukum, vos sœurs. Quatrième, bintul ukht wa bintu ibniha wa bintu bintiha. C'est-à-dire la fille de ton la fille de ton frère ou la fille de son fils, hein, la fille du fils de ton frère, ou bien la fille de ta sœur, hein, ou la fille de la fille ou bintu bintiha. Ouais, ça devient compliqué, hein. Donc ça c'est pour dire que donc la fille de la sœur c'est tes nièces. Donc tes nièces, tu es leur oncle, donc t'as pas le droit de les épouser, que ce soit du côté de ta sœur ou de ton frère, et leurs enfants en descendant. Ouais, la fille de la femme de ton père. Oui, oui, je comprends. Donc si par exemple ton père il s'est remarié, donc cette femme elle a une fille. Lui, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Oui, c'est ça. Donc, lui, le père, il n'a pas le droit de se marier avec la fille de sa femme. Mais est-ce que le fils de cet homme-là, il a le droit de se marier avec la fille de la femme, de sa femme, de son père? Allahu a'lam. Non, ils ne sont pas de même père ni de même mère. Mais il faut que je me renseigne là-dessus pour être sûr. Oui, ça arrive. Non, mais je parle par rapport au verdict par rapport à la religion. Oui, c'est ça. Ok. Il t'a dit que c'est par rapport à l'âge. Que si elle est mineure, c'est pas permis, puis si. Ok. Ouais, non, c'est ça. Donc, je vais vérifier. Je vais vérifier pour être certain, Inch'Allah. Comme ça. Des ambiguïtés de ce genre. Wabintul akh. Donc c'est ça, on a mentionné la fille de la sœur. Là maintenant il parle de la fille du frère. Donc c'est la nièce du côté de la sœur et la nièce du côté du frère maintenant. Hein? Donc ça c'est la cinquième catégorie. Bintul akh, wa bintu bintul akh, wa bintu binihi, et la fille de son de son du fils de du frère. Et ainsi de suite en descendant. Wa banatul ukht wa banatul akh. Donc ça c'est 4 et 5. Et maintenant 6 et 7, c'est quoi? C'est l'interdiction de d'épouser la tante maternelle et la tante paternelle, la tante paternelle et la tante maternelle. En arabe, la tante paternelle, on l'appelle amma. Amma. Et la tante maternelle, on l'appelle khala. D'accord? Donc c'est-à-dire la sœur de ton frère de ton père, la sœur de ton père et la sœur de ta mère. Hein? La sœur de ton père, c'est ta tante paternelle, et la sœur de ta mère, c'est ta tante maternelle. D'accord? Donc ça, c'est 6 et 7. Ouais, non, moi j'ai toutes ces affaires-là, la théorique, si c'est pas écrit devant mes yeux, je me mélange facilement. Ouais, il faut moi des schémas, il faut que je fasse des schémas. Sinon, je me mélange à coup sûr. La deuxième catégorie, c'est allati yahrumna bis-sabab. Celles qui sont interdites à cause, par rapport à une cause, par rapport à une cause, et qui sont interdites pour toujours une fois que cette cause-là est établie. Il y en a 7 aussi. La première, c'est al-mula'ana ala al-mula'in. Al-mula'ana ala al-mula'in. Donc, ça veut dire quoi, al-mula'ana? C'est comme, par exemple, un homme qui a accusé sa femme d'adultère, mais qu'il n'avait pas 4 témoins. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il fait al-mula'ana. Hein? Comme c'est mentionné dans Surat An-Nur. Et je vous lis le verset, comme ça vous allez comprendre mieux de quoi il s'agit. C'est attendez, le verset c'est dans Surat, comme je disais, Surat An-Nur, le verset 6. Le verset 6. Et quant à ceux, donc on va lire en arabe, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être quatre fois, une attestation par Allah, qu'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Donc il va jurer, hein, 4 fois qu'il est parmi les véridiques par Allah. Puis la cinquième, il va invoquer la malédiction sur lui-même s'il est du nombre des menteurs. Et il dit, donc si c'est le cas, hein, s'il fait ça, maintenant ce sera à son tour, au tour de la femme par la suite, qu'elle doit être châtiée à condition, excepté si elle-même atteste 4 fois par Allah qu'il est du nombre des menteurs, puis une cinquième fois que la colère d'Allah soit sur elle si elle est du nombre des véridiques. Si lui était du nombre des véridiques, oui. Que la colère d'Allah soit sur elle si il était du nombre des véridiques. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de peine qui va être appliquée si les deux ont fait al-mula'ana. Hein? Il n'y aura pas de peine, sauf qu'ils vont être séparés à jamais. Hein, ils ne pourront plus jamais se remarier et retourner ensemble. C'est pour toujours là que c'est fini après. C'est lorsque quelqu'un il accuse sa femme d'avoir fait la l'adultère sans avoir de témoin. Mais il accuse sa femme. Il dit, j'ai vu ma femme faire le zina. Il n'a pas quatre témoins. Parce que en dehors de ta femme, si quelqu'un il accuse une personne d'avoir fait le zina et qu'il n'a pas quatre témoins, il va recevoir 80 coups de fouet. Tandis que si c'est ça, son épouse, hein, et qu'il n'a pas trouvé quatre témoins, parce qu'il s'est arrivé justement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et un homme, un sahabi est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh messager d'Allah, si l'un d'entre nous, il rentre chez lui, il voit sa femme en train de faire l'adultère, est-ce qu'il va courir chercher quatre témoins? Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset de Al-Mula'ana par rapport à ce cas-là. Hein? Donc une fois qu'ils ont fait la Mula'ana, hein, et bien là, par la suite, ils n'ont plus le droit de se remarier ou de se réunir. Pour te dire franchement, je ne sais pas. Mais peut-être que, probablement, il faut vérifier ça. Parce que... Allahu a'lam. Non, je ne sais pas. Franchement, j'ai jamais pensé à cette question-là. Mais je vais me renseigner, Inch'Allah, pour être sûr par rapport à... Oui. Barakallahu fik. Donc, lima rawa al-Juzjani an Sahl ibn Sa'd qal madat as-sunnah fi al-mutala'inina an yufarraq baynahuma thumma la yajtami'ani abadan. Hein? Donc Abu Daoud, il a mentionné dans Kitab al-Talaq, et de même que Al-Bukhari dans son livre Al-Bukhari, que il a mentionné que Al-Juzjani a rapporté selon Sahl ibn Sa'd, hein, que la sunna à propos des deux du couple qui ont fait la mula'ana, qu'ils sont séparés et qu'ils ne peuvent plus jamais être, hein, rassemblés ou réunis. On ne peut plus les remarier par la suite. Il dit, وقال الموفق لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك. Donc Al-Muwaffaq, c'est Ibn Qudama Al-Maqdisi, un des grands fuqaha, il mentionne à ce sujet-là, on ne connaît personne qui a divergé sur ça. Donc il n'y a pas de divergence par rapport à cette question-là. Et il dit, un autre cas d'interdiction entre un homme et une femme pour se marier, qui est autre que les causes de liens de parenté, c'est wa yahrumu birrada', hein, à cause de l'allaitement, l'interdiction à cause de l'allaitement. Il dit ma yani yuharrimu birrada' ou yahrumu birrada' ma yahrumu binnasab min al-aqsam as-sabiqa, pardon, min al-aqsam as-sabiqa, kull imra'atin حرمت بالنسب من الأقسام السابقة يعني حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه. Donc tout ce qui est interdit par les liens de sang, tout ce que les liens de sang interdisent, eh bien l'allaitement interdit aussi, d'accord. Donc toute femme qui est interdite par rapport aux liens de parenté, parmi les catégories qu'on a mentionnées, les sept catégories, eh bien la même chose est applicable à l'allaitement, que ce soit des mères ou des sœurs. Donc une femme, par exemple, qui a allaité un garçon quand il était petit, quand l'enfant était petit, quand il était bébé, hein, dans les deux premières années, puis elle l'a allaité un certain nombre de fois, donc il devient comme son fils. Et ses filles deviennent pour lui comme ses sœurs. Il ne pourra pas les marier. Hein. Et elles n'ont pas à se voiler devant lui, ni elle, puisque c'est comme son fils de lait. Et c'est comme qu'est-ce qui est mentionné dans le verset, hein, le verset 23 dans sourate An-Nisa, c'est ça, même mères qui vous ont allaité et sœurs de lait, donc les mères de lait et les sœurs de lait. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, que ce qui était interdit, que l'allaitement interdit, la même manière que les liens de parenté interdisent aussi. Donc l'allaitement, c'est une cause pour l'interdiction, et ça c'est pour toujours. وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. Donc si par exemple ton père il a fait un contrat de mariage avec une femme, ou bien ton grand-père ou ton arrière-grand-père ou peu importe, cette femme-là devient interdite pour toi à jamais. Hein? Même s'il meurt par la suite, ton père il meurt par la suite, il laisse cette femme veuve, t'as pas le droit de la marier, hein, par la suite. C'est la, l'épouse de la femme de ton père, tu pourras pas la marier par le contrat de mariage, même s'il avait pas consommé le mariage. Du moment qu'il a fait le contrat de mariage, ça dit que c'est interdit pour toi de la marier. وتحرم زوجة ابنه وإن نزل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. Donc c'est également parmi les femmes que tu n'as pas le droit d'épouser à jamais, c'est les épouses de ton fils, hein? Les l'épouse de ton fils ou en descendant, c'est-à-dire le fils de ton fils et ainsi de suite en descendant. Et ça c'est basé sur le verset dans sourate An-Nisa, le verset 23, et les femmes de vos fils, hein, qui sont de vos reins. L'autre catégorie ensuite c'est وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَجَدَّاتُهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَجَدَّاتُهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ. Donc également si tu t'es marié avec une femme, eh bien sa mère devient automatiquement interdite pour toi, ainsi que sa grand-mère et son arrière-grand-mère et en montant. Donc juste par le contrat de mariage, elles deviennent interdites pour toi, et la femme de la mère de ta femme, elle n'a pas à se voiler devant toi. Et tu peux voyager avec elle. Tu vas être comme un mahram pour elle. Hein? Juste par le contrat, ainsi que sa grand-mère, et ainsi de suite. Une autre catégorie encore, c'est وَتَحْرُمُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ. Donc il dit, la fille de l'épouse, hein, les filles de ses enfants. Les filles de ses enfants. Donc, si toi t'as épousé une femme, cette femme elle a une fille, eh bien, sa fille, elle est interdite pour toi, ainsi que les filles de sa fille. D'accord? Donc, t'as pas le droit d'épouser la fille de ta femme. Oui, il va marier quelqu'un qui n'a pas le droit de marier. Pourquoi? Parce que les gens dans une société comme ici par exemple, les gens ils tiennent pas les liens de parenté. Donc tu vas voir que le père il va avoir une relation avec la copine de son fils, hein, ou bien il y a des trucs comme ça, il y a que ça se passe ici dans des sociétés comme ça. Ils ont des rapports avec n'importe qui, donc ils savent pas est-ce que cette femme est permise ou non, et donc ils font n'importe quoi, hein? Oui, bien entendu, c'est détestable, hein? Mais quand quelqu'un il a pas de foi, il a pas d'iman, il a pas de connaissance, il va faire n'importe quoi. Tu disais Wadia? Ouais, c'est comme ils disent, il y a un proverbe que les gens disent: in kunta la tadri فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. Hein? Et si tu ne savais pas, c'est un malheur. Mais si tu le savais, c'est un malheur encore plus grand. Parce que tu le fais alors que tu le sais, c'est encore plus grave. Oui, c'est vrai. Il y a un hadith qui encourage d'épouser les femmes plus éloignées. Naam. Et le verset par rapport aux filles de l'épouse, à la fille de l'épouse, ça c'est dans le verset 23. Il y a un hadith comme ça. Il y a une partie du verset qui parle de ça. Il dit, les femmes de vos fils, ok, ça on n'est pas rendu là encore, les belles filles sous votre tutelle, issues de femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Hein? C'est ça. Donc, si vous avez consommé le mariage, dans ce cas-là, c'est interdit. Il dit, « وَتَحْرُمُ بِنْتُ الزَّوْجَ » Donc, on l'a lu, ça. Il dit, « Mais si vous êtes pas, si vous n'avez pas consommé le mariage, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de votre part de les épouser. » Et les ulama, ils considèrent en général que du moment qu'il y a eu « khalwa », qu'il y a eu un isolement avec la femme, que ça implique une consommation du mariage. Hein? En général, c'est comme ça. Donc ça veut dire que si l'homme il a fait le contrat de mariage avec une femme, mais qu'il s'est jamais isolé avec elle, puis il a jamais consommé le mariage, dans ce cas-là, il aurait le droit d'épouser sa fille par la suite s'il la divorce. Par contre, s'il s'est isolé avec elle et qu'il a consommé le mariage, alors dans ce cas-là, il n'aura plus jamais le droit d'épouser sa fille. Parce que ça arrive des fois des hommes comme ça, ils marient une femme. Puis cette femme, elle avait une fille qui est dans l'adolescence ou qui a 18 ans, 19 ans, puis qui est jolie, hein, jeune et fraîche. Peut-être qu'il va dire, ah, oh, mais j'aurais dû marier sa fille au lieu de marier la mère, hein. Donc il va vouloir épouser la fille plutôt que d'épouser la mère. Ça arrive des choses comme ça. Subhanallah. Ouais, il y a des choses comme ça qui arrivent souvent. Donc ça, c'est interdit. Et le cheikh dit, وَهَذَا وَيُنَاسِبُ أَن نَقْرَأَ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ الْمُتَّصِلَةَ بَعْدَ أَن بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ. Hein? Puis là, le cheikh il a cité le verset au complet. Il dit, c'est bien de mentionner le verset au complet. Donc, nous, on l'a déjà fait. Après, le cheikh il dit, la deuxième catégorie, c'est qu'est-ce qui est interdit des mariages avec des femmes qui sont interdits, mais pour un temps limité. C'est-à-dire, c'est pas pour toujours que c'est interdit. C'est interdit pendant un certain temps. Et on va expliquer qu'est-ce que c'est cette catégorie-là. Il dit que pour cette catégorie qui est temporaire, il y a aussi deux sortes, ou deux catégories. La première catégorie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit, une femme qui est interdite pour toi de la marier temporairement à cause du fait que tu ne peux pas réunir ces deux femmes-là en même temps. C'est-à-dire, tu veux faire la polygamie, mais pendant que tu es marié avec cette femme, tu n'as pas le droit d'épouser, par exemple, sa tante ou bien sa sœur. Donc ça, c'est temporaire. Si jamais tu divorces la tante ou la sœur, dans ce cas-là, ça va devenir permis. Et l'autre catégorie, c'est l'interdiction qui peut cesser lorsque l'empêchement est éliminé. Mais ça, on va l'expliquer. La première catégorie, donc, à cause de le lien que tu peux pas réunir ces deux femmes-là en même temps, c'est l'exemple, comme j'ai dit, des deux sœurs. Il dit فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَكَذَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Hein? Donc il dit, le cheikh, tu ne peux pas réunir entre deux sœurs. Allah il dit dans le verset, dans Surat An-Nisa, et de réunir entre deux sœurs. Donc tu ne peux pas marier deux sœurs en même temps. Hein? Et de même qu'il est interdit de réunir entre une femme et sa tante maternelle, ou une femme et sa tante paternelle. Hein? Il y a un hadith à ce sujet-là qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, qui mentionne qu'il n'est pas permis de réunir entre une femme et sa tante maternelle et entre une femme et sa tante maternelle. Il dit وَقَدْ بَيَّنَا صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك حين قال عليه الصلاة والسلام إنكم إذا دخلتم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة من الغيرة فإذا كانت إحداهما من أقارب الأخرى حصلت القطيعة بينهما فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها حلت أختها وعمتها وخالتها وانتفى المحذور l'intifa al-mahdhur. Donc la raison pourquoi cette chose-là est interdite, ça a été clarifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que si vous épousez deux sœurs ou une femme et sa tante, eh bien vous allez à cause de ça couper les liens de parenté. Parce que il y a toujours de la jalousie entre les co-épouses. Et donc, s'il y a de la jalousie entre elles, eh bien si elles ont des liens de parenté entre elles et qu'elles coupent leurs liens à cause de leur jalousie, eh bien ça amène à briser les liens de parenté, et ça c'est un grand péché. Donc à cause, pour éviter ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que ça c'est la sagesse pourquoi c'est interdit. Et si par contre tu as épousé une femme et que tu l'as divorcée par la suite, si tu veux tu peux épouser sa sœur ou sa tante après l'avoir divorcée, mais pas pendant que tu es marié avec elle. Et il dit وَلَا يَجُوز أَنْ يَجْمَعْ بَيْنَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ مِنْ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعَ لَمَّا أَسْلَمَ أَنْ يُفَارِقَ مَا زَادَ عَنْ أَرْبَعَ. Donc une autre interdiction qui est temporaire, c'est lorsque quelqu'un il a plus que quatre femmes, il n'a pas le droit de rajouter une cinquième. Il n'a pas le droit d'épouser une cinquième. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, épousez celle qui vous plaît, des femmes deux, trois ou quatre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, certaines personnes ont voulu se convertir à l'islam et qu'ils avaient plus que quatre femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de se séparer de plus que quatre. C'est-à-dire, s'il en avait plus que quatre, il devait les délaisser ou les divorcer. Ouais, mais ça, est-ce que ça compte? Vraiment. que Allah te préserve de cette djinnia. A'udhu billah. Non, il a dit par rapport à, si quelqu'un il a quatre femmes puis il y a une femme djinn qui le possède puis elle veut pas le lâcher. Donc non, a'udhu billah. C'est pas son cas encore. Donc mais non, parce qu'il a pas quatre. Il n'a pas quatre femmes. Inshallah al-afia. Que Allah te préserve et nous préserve tous. Donc, si quelqu'un supposons il avait cinq femmes, puis qu'il devient musulman, bon, il doit laisser une, garder quatre seulement. Si par exemple il en a quatre, il veut avoir une cinquième. S'il y en a une des quatre qu'il avait, qu'il a divorcé, là après il en aura trois, donc ça veut dire il va pouvoir prendre une autre, mais il peut pas prendre plus que quatre. Ensuite, il dit l'autre catégorie. C'est lorsque quelqu'un il peut pas épouser une femme à cause d'un empêchement qui est temporaire, qui peut s'enlever, qui peut être éliminé ou enlevé. Et les cas qu'il a mentionnés par rapport à ça, c'est les suivants. Il dit فَيَحْرُمُ تَزَوُّجُ الْمُعْتَدَّ مِنَ الْغَيْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ومن الحكمة في ذلك أنه لا يأمن أن تكون حاملا فيفضي ذلك إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. Donc l'exemple ici c'est lorsque par exemple une femme elle est dans sa idda, elle est dans sa période d'attente après le divorce, l'homme a prononcé le divorce, tu n'as pas le droit d'épouser cette femme jusqu'à ce que la idda soit terminée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 235 dans sourate al-Baqarah. Hein? Lorsqu'il dans ce verset, il dit ce qui signifie: et ne décidez pas au contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Donc il faut attendre la fin de la idda. Hein? Et une des sagesses dans ça, c'est que justement la femme dans sa idda, c'est possible qu'elle soit enceinte. Hein? Donc si tu attends pas, hein, il risque d'avoir un mélange dans les liens de parenté et ainsi de suite. Hein? Donc ensuite, une autre catégorie, c'est يحرم التزوج تزوج الزانية إذا علم زناها حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Donc il est interdit d'épouser une femme qui est zania, une femme qui fait le zina. C'est pas 4 mois, c'est moins. C'est pas 4 mois, c'est 3 mois, la idda. C'est hijri. Ouais, c'est hijri. C'est pas miladi. Non. Hein? Oui. De la idda. Mais ça dépend ça dépend du cas de la idda aussi. Si c'est la idda d'une femme qui est enceinte, ou si c'est la idda d'une femme, son mari est mort, ou si c'est la idda d'une femme qui l'a quelqu'un qui l'a divorcé. Donc chacun elle a son, chacun il y a une période différente. Naam. Arba'at ashhurin wa ashra. Ah oui, c'est ça. OK. Oui, donc la femme qui est adultéresse, hein, ou qui est fornicatrice. Tu ne peux pas la marier si tu sais qu'elle est adultéresse ou fornicatrice, excepté si elle s'est repentie, qu'elle a cessé de faire le zina et qu'elle a attendu la fin de sa idda. Après, tu peux la marier. Parce qu'il y a des fois des gens qui fréquentent une femme avant l'islam, ou bien même pendant l'islam, ils fréquentent une femme en dehors du mariage. Puis après, ils décident qu'ils veulent l'épouser. Donc, ils doivent, avant de l'épouser, ils doivent se repentir du zina, s'ils ont fait. Puis, ils doivent attendre que la idda soit finie, soit terminée. Puis après, ça, ils peuvent se marier. Aussi, si la femme est enceinte, à ce moment-là, ils doivent attendre que l'enfant soit né, puis qu'elle a attendu sa idda. Puis par la suite, là, ils peuvent se marier. Ils ne peuvent pas se marier pendant. Oui, ça, c'est haram. Avant le mariage, comme quand ils disent les fiançailles, comme ils appellent, l'homme, il va faire la khitba, puis il va demander la main de la fille. Pendant cette période, jusqu'à ce qu'il y ait la consommation du mariage, après la fête de mariage, et lorsque les deux sont rentrés ensemble dans leur maison, ils n'ont pas le droit de se fréquenter. Ils n'ont pas le droit de se fréquenter ou d'être isolés ensemble, tout seuls. Ça, c'est haram. On a déjà mentionné ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 3 dans Surat An-Nur que la fornicatrice, nul ne peut l'épouser excepté un fornicateur ou un mushrik. Et cela a été interdit pour les croyants. Et les ulama ont dit que oui, c'est ça. ولتفضيع الزنا ذكر الله الذي اعتاده لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشركة لا تتوقع الزنا مع عدم جواز نكاحها والتي اعتادت الزنا وترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقاه مع حرمة زواجها منه وحرم الزانية ونكاح الزاني على المؤمنين. Donc c'est ça. La personne qui est mushrik, elle pense ou elle considère en général que le zina c'est permis. Hein? C'est pour ça. Donc c'est pour montrer la laideur de Az-Zina. Et que personne ne peut l'épouser, excepté quelqu'un qui est comme elle, un zani, ou bien un mushrik. Et la même chose pour l'homme qui fait le zina. S'il est connu comme étant quelqu'un qui fait ce genre de choses, on n'a pas le droit de l'épouser ou de lui donner notre fille en mariage jusqu'à ce qu'il se soit repenti. Hein. Et qu'il ait changé sa vie, qu'il se repente et qu'il cesse de vivre de cette façon. Après, le cheikh dit « وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Donc il dit par exemple qu'une autre cause, une autre chose qui fait que quelqu'un ne peut pas épouser une femme, c'est lorsque il a divorcé sa femme trois fois, il n'a plus le droit de la marier jusqu'à ce que cette femme-là ait été épousée par un autre homme que lui, et que cet homme-là ait, après avoir consommé le mariage avec elle, il a décidé de la divorcer avec un mariage, après l'avoir mariée de façon légale et correcte, et qu'il a consommé le mariage avec elle, puis qu'il a décidé de la divorcer par la suite. Après ça, il a le droit de la redemander en mariage à nouveau. Hein? Mais sinon, il ne peut pas la remarier après le troisième divorce. D'accord? Donc ça, c'est un autre exemple de cas où le mariage était interdit avec cette femme-là à cause d'un empêchement. Et ça, c'est un exemple d'empêchement. Si quelqu'un a divorcé une femme trois fois, il ne peut pas la remarier avant qu'elle se soit elle aussi remariée et qu'elle ait consommé le mariage avec son nouveau mari, puis que ce nouveau mari-là l'ait divorcé à nouveau, hein, après qu'elle a fait sa idda et qu'elle désire retourner avec son mari, son premier mari. Dans ce cas-là, c'est permis, mais c'est avant d'avoir été remariée, il ne peut pas se remarier avec elle encore. وَيَحْرُمُ تَزَوُّجُ الْمُحْرِمَ حَتَّى تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا. Une autre chose qui interdit le mariage avec une femme qui est temporaire, c'est lorsque la femme est dans l'ihram, soit pour la umrah ou le hajj. Donc pendant qu'elle est en état d'ihram et que toi tu es en état d'ihram, tu peux pas demander une femme en mariage et tu n'as pas le droit de faire de contrat de mariage avec une femme parce que ça c'est interdit. Il dit wa kadha la yajuzu lil muhrim an ya'qid an nikah 'ala imra'atin wa huwa muhrim. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه الجماعة إلا البخاري. Donc quand tu es en état d'ihram, tu peux pas faire un contrat de mariage pour demander une femme en mariage ou te marier avec une femme. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, il le dit dans le hadith, le muhrim, la personne qui est en état d'ihram de sacralisation pour le hajj ou la umra, il n'a pas le droit de se marier et il n'a pas le droit de marier quelqu'un, ni de se marier lui-même, ni de demander une femme en mariage. Et un autre exemple aussi, il dit wala yahillu an yatazawwaja kafirun imra'atan muslimatan. Un autre exemple d'empêchement, c'est lorsque quelqu'un il est non musulman, il n'a pas le droit de marier une musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Et n'épousez pas les mushrikines jusqu'à ce qu'ils croient. Ne donnez pas vos filles en mariage à des mushrikines jusqu'à ce qu'ils croient, jusqu'à ce qu'ils acceptent la foi. Ça c'est le verset 221 dans Surat al-Baqarah. Et donc, si par exemple le kafir devient musulman, alors là ça veut dire qu'il aura le droit de se marier avec cette femme-là qui est musulmane, mais avant d'avoir accepté l'islam, ce ne sera pas permis. D'accord? Et si l'homme accepte l'islam, il ne faut pas que ce soit juste pour pouvoir se marier. Il faut que ce soit avec sincérité, puis que ce soit vraiment pour Allah. Et donc, c'est pour ça que souvent les ulama, ils vont dire qu'il faut laisser un délai après que la personne s'est convertie pour s'assurer de sa sincérité, puis d'être certain que la personne s'est convertie réellement pour une conviction. Après le cheikh il dit wala yatazawwaju al-muslimu imra'atan kafiratan liqawlihi ta'ala wala tankihu al-mushrikina hatta yu'minu wa liqawlihi wala tamsiku bi'isam al-kawafir wa illa al-hurra al-kitabiyya fayajuzu lil-muslimi an yatazawwajaha liqawlihi ta'ala wal-muhsanat من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني حل لكم وتكون هذه الآية مخصصة لعموم الآيتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين وقد أجمع أهل العلم على ذلك. Donc il dit le cheikh que t'as pas le droit d'épouser une femme mécréante. Un homme musulman n'a pas le droit d'épouser une femme mécréante. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 221 dans surat al-Baqarah, et n'épousez pas les mushrikates jusqu'à ce qu'elles acceptent la foi. Donc les femmes mushrikates, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas musulmanes, et dans l'autre verset, le verset 10 dans surat al-Mumtahana, wala tamsiku bi'isam al-kawafir, donc de pas épouser les femmes mécréantes, excepté les femmes libres parmi les gens du livre, juives ou chrétiennes. Ça c'est permis d'épouser une juive ou une chrétienne à condition qu'elle soit chaste, comme Allah il le dit dans le verset 5 dans sourate Al-Ma'ida, et les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous. Wal-muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum. Donc il est permis d'épouser ces femmes-là, et ça c'est un verset qui vient restreindre ou limiter le sens général du verset qui interdit d'épouser les femmes mécréantes. Et quand on parle donc de mécréance, ça veut dire les femmes athées, hein, les femmes bouddhistes, les femmes hindoues, les femmes mushrikates de façon générale, animistes ou sikhs, hein, ou panthéistes ou autres, peu importe leur religion, si elles sont pas musulmanes ou juives ou chrétiennes, on n'a pas le droit de les épouser, d'accord. Donc si elles sont athées, on n'a pas le droit de les épouser non plus. Et il dit le cheikh que les hommes de science sont tous d'accord sur ça. Ils sont tous d'accord sur ça, que la femme juive et la femme chrétienne, c'est permis de les épouser, même si c'est quelque chose qui est parfois déconseillé aussi, d'épouser une juive ou une chrétienne, même si c'est permis, hein, et même si elle est chaste, c'est pas quelque chose qui est encouragé ou conseillé, parce que elles ne sont pas croyantes, hein. Et ça peut également ramener des conflits et des problèmes, et surtout si tu ne vis pas dans un pays musulman, hein. Si tu vis dans un pays musulman, tu sais que si jamais il y a un problème ou un divorce et que vous avez des enfants, les enfants vont quand même être protégés parce qu'ils sont dans un pays musulman. Tandis que si tu es dans un pays de kufr et que tu as des enfants avec une femme chrétienne ou juive, eh bien, tu sais que les enfants, en général, ils vont aller avec leur mère et ils vont pas être protégés dans leur religion, parce que les mères vont les appeler à la mécréance, Allah al-Musta'an, et en général, tu pourras pas faire grand chose. Hein? Après, le shaykh dit wa yahrum ala al-hur al-muslim an yatazawwaj al-ama al-muslima لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها إلا إذا خاف على نفسه من الزنا ولم يقدر على مهر الحرة أو ثمن الأمة فيجوز له حينئذ تزوج الأمة المسلمة لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. Donc le cheikh il dit que il est interdit pour le musulman d'épouser une femme musulmane esclave. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ses enfants vont être esclaves aussi. Donc si par exemple une femme est esclave et elle est musulmane, et toi tu veux la marier, tu peux pas la marier, excepté dans deux cas, ou bien dans un cas si on veut. Il y a deux cas, ou deux situations. Si tu as peur de tomber dans le zina, ça c'est un. Et deuxièmement, tu n'as pas suffisamment d'argent pour pouvoir payer le mahar d'une femme libre et tu n'as pas les moyens d'acheter une esclave. Alors dans ce cas-là, c'est permis pour toi d'épouser une musulmane esclave. Et ça, c'est mentionné dans le verset 25 dans Sourate An-Nisa. Et on va lire ensemble ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, « Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres, de la même religion. Épousez-les avec l'autorisation de leur maître et donnez-leur un mahr convenable. Épousez-les étant vertueuses et non pas livrées à la débauche, ni ayant des amants clandestins. Si une fois engagée dans le mariage, elles commettent l'adultère, bon, ça c'est autre chose, mais c'est pour dire que c'est permis dans les cas où vous avez peur de tomber dans le zina vous-même, ou bien que vous n'avez pas suffisamment d'argent, alors dans ce cas-là, vous pouvez les épouser. Et à la fin du verset, Allah dit « ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ » C'est-à-dire, c'est ça, c'est oui, c'est ça. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche, qui craint la turpitude ou la débauche, le péché. Non. Donc c'est permis pour eux. Il dit وَيَحْرُمُ عَلَى الْعَبْدَ يَتَزَوَّجْ سَيِّدَتَهُ لِلْإِجْمَعِ لِأَنَّهُ يَتَنَافَى كَوْنُهَا سَيِّدَتُهُ مَعَ كَوْنِهِ زَوْجُهَا لِأَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَحْكَامًا. Donc ici il dit le cheikh qu'il est interdit également à un esclave d'épouser sa maîtresse, c'est-à-dire celle qui est sa propriétaire. Ça c'est selon le consensus. Pourquoi? Parce que le fait que c'est elle qui est sa propriétaire, ça élimine ça vient en contradiction avec avec le fait qu'il soit son mari. Le mari, c'est supposé être le chef de sa femme. Comment il va être en même temps son esclave et son mari en même temps? C'est pas possible. Et parce que chacun des deux, ils ont des règles différentes à respecter. Il dit وَيَحْرُمُ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَمْلُوكَتِهِ لِأَنَّ عَقْدَ الْمِلْكِ أَقْوَى مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا يَجْتَمِعُ عَقْدٌ مَعَ مَا هُوَ أَضْعَفْ مِنْهُ. C'est-à-dire, si l'homme, il est lui-même le maître d'une esclave ou d'une femme, eh bien, il n'a pas le droit d'épouser son esclave. C'est-à-dire, il n'a pas le droit d'épouser son propre esclave à lui. Le cas qu'on a mentionné tout à l'heure de l'homme s'il a peur de tomber dans le zina, puis il n'a pas assez d'argent pour épouser une femme libre, il peut épouser une esclave si c'est l'esclave de quelqu'un d'autre. Mais si c'est son esclave à lui, il ne peut pas l'épouser son propre esclave, parce que déjà par le fait qu'elle est son esclave, il a le droit, il a droit à elle. Il a un droit sur elle. Donc, c'est comme si, par le fait qu'elle est son esclave, c'est comme si il a le droit d'avoir des rapports intimes avec elle. Parce que c'est sa propriété, c'est son esclave. Donc c'est comme si ça faisait partie du contrat, du fait qu'elle est son esclave, qu'il a le droit d'avoir des rapports avec elle. Comme la même chose comme un homme lorsqu'il est marié avec une femme, il a le droit d'avoir des rapports avec elle parce que ça fait partie de qu'est-ce qui est impliqué par le contrat de mariage. Donc ça veut dire que il n'a pas besoin d'avoir le consentement de sa femme pour avoir des rapports sexuels avec sa femme une fois qu'il est marié avec elle, parce que quand il s'est marié avec sa femme, eh bien, par le contrat de mariage, le contrat de mariage stipule dans l'islam qu'il a un droit sur sa femme et il a le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle quand il veut. et qu'elle ne doit pas s'abstenir de lui. Donc, non, tu peux avoir des centaines d'esclaves, tu peux avoir un nombre indéfini d'esclaves, mais tu ne peux pas avoir plus que 4 femmes. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset, c'est ça, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum, c'est-à-dire excepté de leurs épouses, c'est-à-dire ils vont pas transgresser les limites, avoir des rapports avec des femmes excepté avec leurs femmes, leurs épouses, ils peuvent en avoir jusqu'à 4, ou ce que leur main droite possède, et ça il n'y a pas de limite selon l'argent que tu as, la richesse que tu possèdes, et puis la disponibilité d'esclaves. Mais bien entendu, hein, oui, c'est ça, les esclaves c'est le résultat d'une guerre, et des esclaves ou des prisonniers qui sont pris pendant cette guerre qui est légitime et légale. Actuellement il y a plus d'esclaves dans le monde, on peut pas dire vraiment qu'il y a des esclaves. Donc c'est pas des choses qui vont être appliquées maintenant, mais ça veut pas dire que dans l'avenir il pourrait pas y en avoir si jamais il y a des guerres. OK. Ensuite le cheikh dit wal wat'u bi mulk al yamin hukmuhu hukm al wat' fi al aqd fi ma sabaqa ila amad. فمن حرم وطئها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطئها بملك اليمين، لأن العقد إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطئ فلأن يحرم الوطئ من باب أولى. Ok, il dit que en ce qui concerne d'avoir les rapports avec l'esclave, il dit c'est le même verdict et le même jugement que le jugement d'avoir des rapports dans un contrat de mariage, hein, comme dans les cas qu'on a mentionnés, qui est limité pour une période quelconque par rapport à une cause, comme par exemple la femme qui par exemple est dans sa idda, ou la femme qui est en état d'ihram, ou la femme qui est dans le zina, ou la femme qui est divorcée 3 fois. Donc Cheikh dit donc c'est la même interdiction pour l'esclave que pour le contrat de mariage dans ces cas-là. Donc ça c'est ce qui conclut donc qu'est-ce qui est interdit par rapport au mariage et les femmes qu'on n'a pas le droit de marier. Et donc c'est un chapitre parmi les chapitres du mariage dans l'islam, et ça fait partie des règles qu'on trouve dans les livres de fiqh au sujet du mariage. Donc on a terminé avec ce sujet, et le sujet suivant, celui dont on va parler la semaine prochaine inshallah, c'est la question des conditions dans le contrat de mariage. D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on se marie, on peut, si on veut, exiger certaines choses ou mettre certaines conditions dans notre contrat de mariage. L'homme, il peut mettre des conditions, et la femme peut mettre des conditions dans son contrat de mariage. Toutefois, il y a des conditions qui sont acceptables et qui sont valides islamiquement, tandis qu'il y a des conditions qui peuvent ne pas être valides et qui ne sont pas acceptables islamiquement. Donc il faut comprendre ces conditions-là, lesquelles sont permises, lesquelles ne sont pas. D'accord? Et en général, c'est des conditions qui sont en accord avec la religion et qui ne rendent pas halal ce qui est haram, ou qui ne rendent pas haram ce qui est halal. En général, elles sont permises, ces conditions-là. Tandis que les conditions qui rendent haram ce qui est halal, ou qui rendent halal ce qui est haram, celles-là sont interdites. Et on va donner des détails de ça la semaine prochaine. Naam.